Bienvenue sur la Radio Moderne, c'est le Balado 38. Au sommaire cette semaine, Absinthe Minded, Orchestre Rouge, Le Mur, RJD2, les Lemonheads, Lush, les Kinks, Lester Sterling, Billy Arner, Vision of Disorder, The Pogues et pour finir Green Day. C'est parti pour 40 minutes, enjoy. Somebody got a second chance, man. He tries to get a grip. It ain't easy to be truthful when your story's all about jail. Bye. Sur moi l'effet d'une formule magique, et mon âme s'emplit tellement de sérieux qu'elle en est parfois comme ébranlée. Je pense au moment de ma vie où je me suis trouvé à la croisée des chemins, où mon âme a mûri à l'heure de la décision. Je pense aux cas nombreux de moindre importance, mais non indifférents pour moi, où j'ai eu à choisir. Car si ce mot a sa valeur absolue en une seule situation, à savoir chaque fois que se présentent d'une part la vérité, la justice et la sainteté, de l'autre, le plaisir et les inclinations, les sombres passions et la perdition, il importe néanmoins de toujours bien choisir, même dans les choses où l'objet du choix est innocent. Même alors il convient de s'éprouver, afin de ne pas battre un jour douloureusement en retraite pour revenir à son point de départ, rendant grâce à Dieu si l'on n'a rien de plus à se reprocher que d'avoir perdu son temps. Right. And the hair attraction. Right. And the boys, and they were cute. But when he first came to town, the full-time job, he's the guy with the hit record, because there is a definite overabundance of grit in the music business. Chicks were really familiar. The Beatles really started it, like the Beatles started everything else. And it's the influx of English groups. Super, super. Job. And they played records. No, it's better when a group isn't playing. Just went to hear the music. Music. Crying and grieving the whole like a teddy where the lights go. Two, four, six, eight, nine. Well, girls, if you get lonely, dial 4 2 4 6 8 9. And your troubles will be over. I'll even give you back your time. Oh yeah. I like them tall, I like them short, and that ain't all. Now when I die, don't bury me deep, just put some women to my hand, to my feet. Tell all the world now to come and peep. Long, tall, short, and now has gone to sleep, whoa now. I like them long, I like them tall. Go out. could never bear to say goodbye. Never, never. So I pray your love for me won't die. Ever, ever. But if someone comes to take my place, picked up a step down, turning blue. The local kids were sniffing glue. shells who kiss the dew down Wayne Street. Fire and gray buys an ice cold beer, I shove a barrel. Father John's got a crab again, he's drinking Coca-Cola down Wayne Street. Bless me, Father. Let's go on a sacred ground where I put niggas down while Judas took his measly breast and said, have you guys the Lord Christ down with his feet? Franz Billmeyer. Depuis que nous avions lié connaissance avec Mail, Ramon et moi les rencontrions souvent dans la vieille ville. Il y avait un point de rendez-vous derrière un bâtiment administratif, devant la brasserie Urige. Il y avait là un mur de tuiles rouges. Et c'était à l'écart de tous ces beaufs qui voulaient tout le temps nous foutre une raclée. Extrait de Dilapide ta jeunesse. Shot the girls again.